Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, chronique d'une ville sous occupation djihadiste, Tombouctou, qui vécut entre avril 2012 et janvier 2013 sous la coupe des hommes d'Acmi et des salafistes dans Sardine. Pendant 10 mois, cette cité qu'on nomme depuis des siècles la ville des 333 saints ou la perle du désert, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est coupée du monde. Dans ces rues, la police islamique impose la charia. L'alcool, la cigarette, la musique sont interdits et les femmes doivent vivre cachées du regard des hommes. Et puis, après s'en être pris aux habitants de Tombouctou, c'est à son histoire que ces fanatiques s'attaquent. À plusieurs reprises, munis de pioches et de burins, ils détruisent 14 mausolées ainsi que la porte d'une mosquée sacrée dont la légende disait que l'ouvrir conduirait à la fin du monde. Comme dans toute ville sous occupation, des héros ordinaires ont fait le choix de résister. C'est pourquoi, en fil rouge de cette chronique, nous avons fait le choix de vous raconter l'histoire de l'incroyable sauvetage clandestin des manuscrits de Tombouctou, dont l'un des personnages principaux est Abdelkader Haïdara, responsable de l'une des plus importantes bibliothèques de la ville. Quand Tombouctou est libéré, notamment avec l'aide des forces françaises en janvier 2013, envoyées par François Hollande, près de 90% des manuscrits sont sauvés. En seconde partie, nous recevrons le journaliste du Journal du Dimanche, David Revaud-Dallonne, auteur en 2015 du livre « Les guerres du président, le président Hollande » en l'occurrence. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bienvenue à tous et d'abord donc cette alerte internationale provoquée par la situation au Mali. Pourquoi cette accélération ? Eh bien parce que pour la première fois au Sahel, Al-Qaïda au Maghreb est sans doute en passe de contrôler un vaste territoire, y compris la ville très symbolique de Tombouctou. Il n'y a pas de moyen de transport, les véhicules ne sortent pas à cause des barrages qui sont en train d'imposer la charia à toute la ville de Tombouctou. Au Mali, les rebelles Touareg continuent leur progression foudroyante. Après Gao hier, ils se sont emparés de Tombouctou sans rencontrer de résistance et ils contrôlent désormais tout le nord du pays. C'est une situation de chaos. L'hôpital régional a été saccagé. Les services publics, tous ont été saccagés. Je suis toujours angoissée. J'ai peur que les islamistes puissent arriver jusqu'ici d'un moment à l'autre. Ils ont menacé de fouetter les couples qui ne sont pas mariés. Ils imposent les voiles. Hier, ils ont bastonné des filles qui... Leur crime, c'était de porter des pantalons. Et la communauté internationale, jusqu'à preuve du contraire, ne dit absolument rien. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants. Et raison pour laquelle la communauté internationale nous laisse à notre propre sort. À l'aube du 1er avril 2012, au Mali, les routes vers le sud se chargent de milliers de déplacés partis à la hâte, à pied ou à bord de minibus, autocars, djibou 4x4. Abdelkader Haïdara, lui, prend la route vers le nord pour rejoindre Tombouctou. C'est en roulant à contre-courant de cette marée humaine, remplie d'instituteurs, de fonctionnaires et de commerçants, qu'il prend conscience que de l'autre côté, un autre monde vient de voir le jour, là même où se trouve sa famille, mais aussi son héritage, vieux de plus de 5 siècles, les manuscrits de Tombouctou. Après la cacophonie de klaxons et le grondement des moteurs, Abdelkader Haïdara quitte l'autoroute, puis prend les petits chemins de terre rouge. Après plusieurs heures à travers les épineux, il aperçoit enfin à l'horizon les rives du Niger. Là, il quitte son chauffeur et traverse le fleuve à l'aide d'un piroguier pour rejoindre le petit port de Koroyoumé où un ami l'attend. Ensemble, ils remontent la 15aine de kilomètres qui les sépare de Tombouctou. Et là, ils rencontrent les premiers Touaregs armés de Kalachnikov. Tour à tour, on les arrête, on fouille leurs bagages, puis on les laisse partir. En fin de journée, ils passent enfin les deux piliers de pierre qui marquent le début de la cité. Prudemment, ils s'enfoncent dans la ville. Ils entendent des tirs au loin et aperçoivent quelques pillards sortir des boutiques et des édifices publics éventrés. Sur le fronton de l'hôtel de ville, ils découvrent le drapeau des séparatistes Touareg du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, une bannière vert-rouge-noir avec un triangle jaune en chevron. Arrivé au quartier de Bella Farandi, le chauffeur dépose Abdelkader Haïdara chez lui, où il retrouve sa femme, ses 5 enfants, ses nièces et ses neveux. Le lendemain, le drapeau qui flotte à l'hôtel de ville a changé de couleur. L'étendard du MNLA, né en octobre 2011 de la fusion de différents mouvements touareg indépendantistes, laisse sa place au drapeau noir des djihadistes, leurs alliés. Ce jour-là, des centaines d'hommes, membres d'ACMI, Al-Qaïda Maghreb Islamique, et du groupe salafiste Ansardine, défilent dans les rues sur leur pick-up. Carrefour après carrefour, ils prennent place et ordonnent aux indépendantistes de la Sawad de se replier derrière les limites de la ville. Car ici, il n'y a pas de rêve d'indépendance, mais l'instauration de la charia, comme le déclare cet homme, Omar Oul Armala, surnommé Barberousse. Nous, ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongeba, à Bamako, à Kaï, à Menaka, à Kessali. L'islam, pas plus. De ces hommes, de leurs objectifs et de leur alliance, au début du mois d'avril 2012, on ne sait que très peu de choses. Il y a quelques mois, à l'automne 2011, les groupes rebelles Touareg sont revenus des champs de bataille libyens, les coffres remplis d'armes, de roquettes et de mortiers. Depuis, au nord du Mali, les rapts et les affrontements se sont multipliés. Elles sont le fait des hommes d'ACMI, des salafistes Touareg dans Sardine, des indépendantistes Touareg du MLNLA ou encore des narcotrafiquants du Mujao, qui sont tous devenus, avec le temps, des alliés de circonstance. Au début de l'année 2012, ces groupes du Nord lancent plusieurs coups de force contre des villes et des garnisons de l'armée du gouvernement malien. L'une des attaques les plus impressionnantes et dramatiques se déroule à la fin du mois de janvier 2012 à Anglahok, où des soldats maliens, après avoir combattu pendant plusieurs jours, se trouvent à court de munitions. Faits prisonniers, ils sont tous assassinés. Face à l'étendue de l'emprise touareg et islamiste sur le nord du pays et le manque de moyens pour y faire face, des militaires de l'armée régulière du Mali décident de prendre les choses en main et annoncent un coup d'état sur les ondes officielles. Le 22 mars 2012, le président Amadou Toumani Touré est renversé. Communiqué du Comité national pour le redressement, la démocratie et la restauration de l'État, CNFDR. Mes chers compatriotes, considérant l'incapacité notoire du régime à gérer la crise qui sévit au nord du Mali, face à son devoir de sauvegarder de la Constitution, la force républicaine de l'État et les acquis démocratiques, le CNRDR a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. En conséquence, les dispositions suivantes sont prises à compter de ce jour, 22 mars 2012. La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. 8 jours plus tard, Kidal tombe aux mains des islamistes. Le 31 mars, c'est la ville de Gao qui est occupée. Le 1er avril, à Tombouctou, le drapeau noir des djihadistes flotte sur la ville et passe sous le contrôle des zones d'ACMI Abou Zied et ceux d'Ansardine d'Iyad al-Rali. Alors, que va-t-il se passer à Tombouctou sous le joug djihadiste pendant 10 mois? Que vont devenir Abdelkader Haïdara et les manuscrits de Tombouctou? Né au lendemain de l'indépendance du Mali, Abdelkader Haïdara n'a jamais pris les armes. Homme de lettres, c'est dans les livres et pour leur sauvegarde qu'ils mènent des batailles. Dans ces vieux manuscrits, pas d'Assawad, de Takmi ou d'Ansardine, mais des textes écrits pour la plupart en langue adjami qui nous plongent au cœur de l'Afrique subsaharienne des 15e et 16e siècles, au temps où Tombouctou est une cité florissante qui attire enseignants et étudiants. Venus d'Égypte, d'Andalousie, du Maroc ou de l'Empire du Ghana, ils ont pris la route du désert ou celle du Niger pour rejoindre cette cité où le savoir est la plus grande richesse. De ces rencontres naissent des manuscrits écrits sur des papiers d'Orient, des omoplates de chameaux sur des peaux de moutons. On y parle astronomie, culture, droit, islam, philosophie. À la chute de l'empire Songhai, de ses temps glorieux, il ne reste que des livres présents sur les étagères des familles. Des trésors qu'on offre à un descendant de génération en génération. C'est ainsi qu'au XVIe siècle est née la bibliothèque de la famille Haïdara. Abdelkader Haïdara apprend l'histoire et la magie de ses livres auprès de son père, Mohamed Mama Haïdara, qui était juge et professeur des sciences classiques islamistes. En 1981, il meurt. Naturellement, Abdelkader prend la charge et la destinée de la bibliothèque de la famille. Afin de préserver et de faire connaître ces documents, il se lie avec d'autres propriétaires de collections familiales pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler un réseau de bibliothèques. Il crée alors une ONG, Savama Desi, pour permettre la levée de fonds et ainsi sauvegarder et faire connaître au monde entier ses manuscrits. 30 ans après, l'ONG de Tombouctou compte une quarantaine d'établissements qui rassemblent aussi bien de petites collections privées que de grandes collections d'institutions. C'est un réseau riche et performant avec de grandes salles d'exposition et des moyens importants de sauvegarde. Mais en ces jours d'avril 2012, après avoir protégé ses manuscrits des insectes, des inondations et des tempêtes, c'est à un mal nouveau qu'Abdelkader Haïdara doit faire face, l'obscurantisme des djihadistes du Sahel. Quelques jours après l'arrivée des groupes armés dans la ville, il s'aventure dans le quartier administratif et il constate que tous les documents des bâtiments des institutions se trouvent sur le sol. Pas après pas, il imagine que sous ses pieds, ce sont les pages de ses manuscrits qu'il piétine. D'ailleurs, à Tombouctou, dès les premiers jours d'avril 2012, la vie d'antan a disparu, comme le raconte par téléphone l'un des conseillers municipaux dans une correspondance pour France Inter. La peur se lit sur tous les visages. Les gens sont peur de sortir du centre de Tombouctou. Il n'y a plus de commerce. Tout ce qui est là, c'est des pick-up avec des hommes en armes qui circulent partout. Sinon, en fait, la vie est au ralenti. Il n'y a pas du tout d'activité au niveau du centre. Tout est fermé. Au marché, les gens sont fait déménager leurs boutiques. C'est-à-dire, ils ont pris tout leur matériel qu'ils ont amené dans des magasins, dans leurs maisons. Qu'est-ce qui manque le plus dans la ville aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait défaut? Tout. Les produits de première nécessité. Le riz manque. Même l'eau, le thé, le sucre. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pharmacie. Le service de l'hôpital n'existe pas. Il n'y a même pas d'argent. Les banques sont pillées même. Chaque soir, Abdelkader Haïdara fait les 100 pas dans sa cour pour imaginer un plan avant qu'il ne soit trop tard. Au début de l'été, il convoque ses collègues et ses proches au siège de l'ONG. Pour lui, le constat est simple. Pour sauver les manuscrits, il faut les sortir des grandes bibliothèques et les disperser aux quatre coins de la ville chez les particuliers. Il propose de s'en charger et de trouver les fonds pour financer ses transferts. L'argent, il le trouve assez vite. Il contacte une fondation qui lui avait promis une bourse de 12 000 dollars. La somme est disponible en quelques jours. Sur le plan pratique, en revanche, le sauvetage est bien plus complexe. Alors, il fait appel à son neveu qui travaille avec lui, Mohamed Touré, un garçon de 25 ans, érudit et passionné. Ensemble, ils prennent contact avec des hommes de confiance, guides touristiques, archivistes, secrétaires et membres des familles. Ils demandent à chacun d'entre eux d'acheter chaque jour, dans les différents magasins de la ville, 2 ou 3 malles en fer, puis de les déposer à la bibliothèque. En un mois, après avoir vidé l'ensemble des stocks de Tombouctou, mais aussi ceux d'un marché situé à quelques kilomètres, 2500 coffres se retrouvent entreposés dans les remises des bibliothèques. Bien. Et maintenant? Eh bien, il faut les empaqueter, puis les déplacer. Autrement dit, tout reste à faire. À la fin du mois d'avril, Abdelkader Haïdara, son neveu Touré et quelques proches se retrouvent devant la bibliothèque Mama Haïdara. En toute discrétion, ils entrent à l'intérieur. L'un après l'autre, ils prennent 1 ou 2 malles, passent la grande cour, puis pénètrent dans le bâtiment principal. Là, éclairés par de simples lampes torches, l'électricité étant interdite de nuit dans la ville, ils ouvrent les vitrines. Puis, de main en main, dans l'obscurité, ils se passent les manuscrits, les recouvrent, puis les déposent dans des malles. Les livres n'ont pas tous la même taille, ni le même volume, alors c'est avec ingéniosité qu'ils les rangent sans les abîmer et en perdant le moins de place possible. On prend, on pose, on range, puis on cadenasse les malles. Le travail fini, on passe par l'arrière et on rentre plus vite chez soi en esquivant les hommes de la police islamique. Le lendemain, en fin de journée, l'opération recommence. À ceci près qu'il faut désormais les livrer à ceux qui ont accepté courageusement de les garder, ces fameuses malles. C'est par charrette qu'elles quittent les lieux juste avant le couvre-feu, entre 19 et 21 heures, puis sont déposées dans les cours de la ville, au nez et à la barbe des djihadistes dont l'emprise sur les habitants se resserre. Pourtant, chaque jour, un peu plus. Désormais, toute la ville est recouverte de grands panneaux d'affichage à l'orthographe originale, où l'on peut lire en français et en arabe que c'est désormais la charia qui dicte les règles dans la cité. Dans la rue, les hommes de la police islamique, toujours habillés d'un gilet bleu, contrôlent, punissent, arrêtent. Il est interdit de fumer, de jouer, de boire. Dans les rues, les femmes ont l'interdiction de sortir des vêtus, de porter un bijou, de sentir un parfum. La musique également est proscrite, même la sonnerie des téléphones portables est interdite. Peu à peu, s'ouvrent ainsi les portes de l'enfer. On assiste dans les rues à des scènes de sévices, en public. Ce jour-là, les accusés sont un homme et une femme, coupables de s'être aimés sans être mariés. Alors, chacun subit, sans coup de fouet, en public. L'adultère est un grand péché contre lequel Allah nous a mis en garde. Allah a dit qu'il ne faut jamais commettre ce péché, qui est l'une des plus grandes déviances. Celui qui prend ce chemin déviant et dangereux est puni de 100 coups de fouet. Abu Tourab se charge lui-même d'infliger les premiers coups à l'aide d'une corde. Après lui, trois hommes se relaient. Vas-y plus fort. Puis, c'est le tour du jeune homme. 100 coups de corde pour lui aussi. Au centième, les islamistes ont le sentiment du devoir accompli. À Tombouctou et dans ses environs, sous le joug des djihadistes, la justice se résume désormais aux fouets, aux amputations, mais aussi aux exécutions. À chaque fois, des pick-ups sillonnent la ville et annoncent l'exécution après la prière de l'après-midi. D'abord exhibé à l'arrière du véhicule, le condamné est ensuite jeté sur le sable devant 500 personnes réunies pour l'occasion. À genoux, il prie. Au premier Allahu Akbar, les bourreaux font feu sur lui. L'homme tombe, la foule se disperse. À la fin du mois de juin 2012, après avoir semé la terreur, les fanatiques s'en prennent au symbole du passé, à la mémoire de la ville. Les premières exactions contre les monuments historiques se déroulent le 28 juin 2012, le jour même où l'UNESCO place Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril. Des dizaines de combattants de groupes armés salafistes en Sardines s'introduisent dans la cour de la grande mosquée de Djingaroyber et abattent trois petits mausolées. Le lendemain, les destructions se poursuivent. Ce que nous venons de faire pour cette tombe s'inscrit dans notre lutte contre les pratiques déviantes dans les rues et les entreprises. La destruction des coupoles et des mausolées construits sur les tombes correspond aux ordres de notre prophète qui avait ordonné de faire la même chose en son temps. Au Mali, comme sur toutes les terres du djihad, la caméra est la seconde arme des soldats de Dieu. Elle accompagne leurs offensives, leurs victoires, leurs crimes. C'est ainsi que le 2 juillet 2012, devant les caméras qataris d'Al Jazeera et celles des groupes djihadistes, les hommes dans Sardine, dont Ahmed Al-Faqih Al-Mahdi, dit Abu Tourab, s'attaquent à la porte de la mosquée Sidi Yahya, érigée au 15e siècle et classée au patrimoine mondial de l'humanité. Face à ces actes de barbarie, des anciens responsables de la culture de pays lancent un appel à l'aide. Tombouctou est sur le point de perdre son âme. Tombouctou est sous la menace de vandalisation outrageante. Tombouctou a sous la gorge le couteau tranchant d'un froid assassinat. Témoignage de l'âge d'or de la cité, ces mausolées sont autant vestiges du passé que lieu de vie, lieu de prière. Alors, que restera-t-il des ruines de Tombouctou quand les djihadistes en seront chassés ? Abdelkader Haïdara et ses hommes sauveront-ils les manuscrits de Tombouctou ? La vie est... Tombouctou, été 2012. Mohamed Touré, neveu d'Abdelkader Haïdara, est désormais seul dans la ville, en charge du sauvetage des manuscrits. Malgré la police islamique, il continue à parcourir la ville à bord de son 4x4, souvent chargé de mal de fer cadenassé, camouflé sous des couvertures, avec à l'intérieur une partie du trésor des manuscrits de Tombouctou. Chaque livre représente un pan de l'histoire de la cité et du pays, mais aussi des hommes qui, depuis des siècles, héritent de ce patrimoine et participent à sa sauvegarde. Depuis le lancement de l'opération clandestine de sauvetage des manuscrits, Mohamed Touré sillonne les rues et livre, avant la fin du couvre-feu, les courageux qui ont accepté de cacher ses malles. Depuis des semaines, il faut bien le dire, la chance l'accompagne. Mais un soir d'été, il pense l'avoir perdu. Quant à la sortie de la bibliothèque, alors qu'il charge une malle remplie de manuscrits dans sa voiture, il tombe nez à nez avec Omar Ould, Amarra, dit Barberousse, accompagné ses hommes de main. « Que fais-tu ici ?» lui demande-t-il. « Je déménage et je transfère des manuscrits, » répond le jeune homme. « Pourquoi les sortir en pleine nuit ? Tu les voles ?» Soupçon. La police islamique est appelée. Mohamed Touré est arrêté. Son oncle, Abdelkader Haïdara, lui qui a imaginé cette fuite des manuscrits, est prévenu. Toute la nuit, de Bamako, il appelle l'ensemble de ses amis imams et chefs de quartier. L'un après l'autre, ils produisent des attestations pour tenter de sauver Mohamed Touré. Le lendemain, ils sont tous là, dans le bureau du gouverneur, quand l'accusé est présenté devant les juges. Après plusieurs minutes de témoignage et de réflexion, il ressort libre, oui, et en vie. Un autre soir, où il dort à l'intérieur de la bibliothèque, on frappe à la porte de l'établissement. C'est une équipe de journalistes de la chaîne Al Jazeera, invitée par les propagandistes d'Ansardine et d'Akmi, qui souhaitent filmer les manuscrits. Mohamed Touré refuse. Moins d'une heure plus tard, l'équipe de journalistes est accompagnée d'une escorte de djihadistes qui demande une nouvelle fois de visiter les lieux. Face à la menace, Mohamed Touré n'a pas le choix, il obtempère. Les journalistes entrent et découvrent les vitrines et les salles de restauration vides. Pas un seul manuscrit. Où sont-ils passés ? Demande l'un des hommes armés. Je ne sais pas. Les propriétaires ont dû les reprendre, répond Mohamed Touré. Les reporters quittent alors les lieux. Et par chance, encore une fois, aucun responsable ne viendra constater la disparition de ces livres qui, pour la plupart, sont dans des caves et des débarras, dernière étape avant leur départ pour Bamako, où les attend Abdelkader Haïdara. Le départ clandestin aurait pu se poursuivre ainsi. Sauf que pendant l'automne 2012, la guerre se prépare sur la route de Bamako et dans les salles des états-majors des puissances occidentales. Après la condamnation de la destruction des mausolées, en effet, la communauté internationale se positionne pour que cessent ces exactions. En septembre 2012, à l'occasion d'un sommet sur le Sahel organisé à la marge de l'Assemblée générale des Nations unies, François Hollande demande au plus vite la convocation du Conseil de sécurité. Un mois plus tard, le vendredi 12 octobre, le Conseil adopte à l'unanimité une résolution appelant les organisations régionales africaines et les Nations unies a présenté sous 45 jours un plan d'intervention visant à reconquérir le nord du Mali. Malgré les menaces de la communauté internationale, la charia se poursuit au cœur de la ville. En novembre 2012, l'homme que vous allez entendre est arrêté puis condamné à l'amputation d'une main. Ils m'ont accusé d'avoir volé un matelas et ils m'ont emmené là, dans cette cellule. C'était pas vrai, je n'avais rien volé. Ici, dans la cellule, il y avait beaucoup de prisonniers comme moi. Parmi ces prisonniers, un marabout. Ils l'ont emmené, nous raconte-t-il, et lui ont tranché la gorge hors de la prison. Argalas s'est poussé ensuite jusqu'ici. Un des chefs islamistes lui annonce alors qu'on va lui couper la main. Il n'a pas eu de procès, juste la sentence. Ils m'ont attaché sur une chaise, les mains, les pieds contre ce poteau, et l'un d'eux m'a coupé la main avec un couteau. Je me suis évanoui de douleur. Le 20 décembre 2012, dans le cadre de la résolution 2085, le Conseil de sécurité donne son feu vert au déploiement par étapes de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. 72 heures plus tard, les djihadistes répondent à ce vote par la démolition de nouveaux lieux saints, puis ils entament la préparation d'une grande offensive vers le sud. Le 10 janvier 2013, les djihadistes entrent dans la ville de Kona, située entre Tombouctou et Bamako. À quelques kilomètres de là, à Sévaré, comme dans toutes les villes, l'un des habitants témoigne sur les ondes de RFI de la panique qui s'empare de la cité. À Sévaré, c'est la panique totale. Chacun cherche à quitter la ville, parce que après la prise de Kona, il n'y a pas d'espoir encore. Si on n'a pas de fusil, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous allez dans les stations présentement, les véhicules sont en liesse, ils sont chacun en train de prendre du carburant pour quitter la ville. Tout le monde, même les hôteliers sont en train de fermer les hôtels, ils sont même en train de blanchir les pancartes. Parce qu'il paraît que ces djihadistes-là, c'est les hôtels qu'ils visent, ici ils arrivent, c'est là-bas qu'ils logent. Donc nous demandons à la communauté internationale de nous aider, de tout faire pour nous aider. La situation est très grave. Alors que l'inquiétude gagne désormais tout le pays, à Paris, le 11 janvier 2013, François Hollande prend les devants. Après un conseil restreint de défense, il annonce l'intervention militaire de la France au Mali. Mesdames, Messieurs, le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyée par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Merci. Trois jours plus tard, près de 800 soldats français sont sur place. Le 17 janvier, les islamistes reculent, puis rebroussent chemin vers le nord. Les soldats français, eux, font route vers Gao et Tombouctou, où 792 Malles attendent toujours, rappelons-le, leur évacuation vers Bamako. Craignant qu'elle ne soit découverte, Abdelkader Haïdara décide de les faire sortir de la zone par les flots. En pleine nuit, alors que l'armée française fait route vers la ville, les premières Malles chargées sur des charrettes par les hommes d'Haïdara atteignent le petit port de Toya, situé à quelques kilomètres de la cité. C'est de là que les pirogues quittent la rive en direction de Djenné. Hélas, tous les manuscrits n'ont pas pu être sauvés. Au petit matin du 25 janvier 2013, en effet, alors que les mirages français pilonnent désormais les alentours, une quinzaine de djihadistes pénètrent dans le centre de l'Institut Ahmed Baba de Sankore, un autre haut lieu de conservation de manuscrits qui pendant des mois a servi de maison de repos à une partie des combattants ethnies. Un par un, ils retirent des étagères et des tables de réservation près de 4200 manuscrits. Ils les entassent, les aspergent d'essence, puis craquent une allumette. Dans les flammes de cette auto-da-fé, des parchemins, des textes de chimie, de mathématiques ou des cartes du ciel conçues au XVe et au XVIe siècle, comme le raconte le maire de la ville. Brûler le centre Ahmed Baba à Sankore, les manuscrits, effectivement, tout notre souci, tout ce qu'ils avaient fait, le plus grave aujourd'hui, c'est détruire ces manuscrits-là. C'est ça surtout qui est l'acte le plus ignoble qu'ils ont pu commettre, puisque ces manuscrits, ce n'est pas pour Tombouctou, c'est la manuscrit pour l'humanité. Brûler le génie rural. Ça, c'était le fief, c'était là où habitait Abou Zeid. Exactement, le génie rural, là où habitait Abou Zeid. Saccager le domicile de ma première adjointe. Brûler un jeune chauffeur pour avoir dit « Vive la France !» Il était content et il a dit « Vive la France !» Il a été exécuté sur le champ, sans calcul, comme ils l'ont prédit. Et voilà ce qui s'est passé, en tout cas, à Tombouctou. Le 28 janvier 2013, Tombouctou est libéré de 10 mois d'occupation djihadiste. Abdelkader Haïdara, Mohamed Touré, tous ceux qui les ont aidés, ont sauvé par le fleuve, la route, en pleine journée ou au clair de lune, plus de 90% des 377 000 manuscrits de Tombouctou. Aujourd'hui, le Mali n'est pas encore en paix, mais Tombouctou, elle, renaît de ses cendres. Au début de l'année, ce sont les 14 mausolées détruits que les villageois ont reconstruits à l'identique. Les livres brûlés, eux, comme les hommes et les femmes tués, perdus à jamais, font désormais partie de la mémoire des habitants de l'histoire de Tombouctou, la perle du désert. Parola, anga chufe, parola. Bebe mirile, kanula, ne kanunyo berela. Jafala, jafuru nyowo jafa manini. Nebi fe, nebi mirila, shirila. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Tombouctou sous le joug des djihadistes avec notre invité David Revaud-Dallon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes un journaliste politique au sein de la rédaction du Journal du Dimanche. La politique est votre spécialité. Et en 2015, vous avez publié l'ouvrage que je tiens entre les mains intitulé « Les guerres du président », c'est au seuil. Hein. Ouvrage dans lequel vous revenez sur la première partie du quinquennat de François Hollande et vous focalisez sur la question militaire. Alors, pour info, avant de commencer notre discussion, sachez que le 27 septembre 2016, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, dont nous avons parlé dans ce récit, a été condamné à 9 ans de prison pour la destruction de biens culturels par la Cour pénale internationale. Voilà. Alors, j'en reviens à vous, David Revaud-Dallon. Qu'avez-vous découvert de François Hollande en écrivant ce livre, déjà? Parce que on sait que c'est un personnage complexe et que quand on fouille, on trouve, on découvre chez cet homme. Et on découvre souvent ce à quoi on ne s'attendait absolument pas. Pour résumer en quelques mots, François Hollande est quelqu'un qui ne connaissait rien aux problèmes de défense, à la chose militaire, qui ne s'y intéressait pas. Il avait même été exempté avant de réussir finalement à se faire exempter de son exemption parce que ça faisait tache sur un CV pour une carrière politique de ne pas avoir fait son service. Ah oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'affrontement, qui n'aime pas le conflit, on le sait. On l'a souvent qualifié comme l'homme de la synthèse molle. Et nonobstant ces deux traits de caractère et de personnalité évidents, eh bien, c'est le président de la République, le président dans l'histoire de la Ve République, qui a déclenché le plus d'opérations extérieures, ces fameuses OPEX, en un laps de temps minimum. Et donc, ce qui m'a passionné, c'est de déterminer pourquoi François Hollande s'était... lancé sur le sentier de la guerre et pourquoi il ne s'en était plus jamais éloigné jusqu'au bout de son quinquennat. Il y a eu les opérations extérieures, le Mali, c'était la matrice en quelque sorte. Il y a eu aussi la Syrie, l'Irak, la Centrafrique. Il y a aussi évidemment toutes les opérations, l'aspect terrorisme, attaques terroristes sur le sol, puisque hier nous avons encore commémoré les deux ans du 13 novembre. Absolument. Est-ce que c'est une façon pour un président contemporain, un président moderne, de pouvoir agir? Parce que dans les domaines de l'économie et du social, on sait à quel point c'est difficile pour tout un tas de raisons. Est-ce que finalement c'est pas le dernier bastion, le dernier levier d'action politique, l'intervention extérieure? Oui, c'est très juste. C'est vrai que le point sur lequel les citoyens attendent le plus les politiques, c'est d'abord les questions économiques et sociales. Ça se voit l'emploi, évidemment. Dans tous les sondages, l'emploi, la croissance, le pouvoir d'achat, etc., les retraites. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que les présidents, en réalité, ont peu de marge de manœuvre depuis une trentaine d'années, depuis l'accélération de la mondialisation, etc. Et donc, évidemment, il y a dans les opérations militaires une possibilité pour un chef de l'État, qui est aussi, il faut le rappeler en France, chef des armées, la possibilité d'avoir effectivement des choses à montrer à son opinion publique, des résultats tangibles, constatables, sonnants et trébuchants. Et c'est évidemment ce qui s'est passé dans le cas de l'opération au Mali. Vous citiez tout à l'heure la libération de Tombouctou dans votre enquête. Le président Hollande lui-même avait fixé la libération de deux villes, Gao et Tombouctou, beaucoup plus vite que ce que les militaires escomptaient. Ils voulaient des résultats 15 jours avant la date qu'avaient proposé les militaires. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient montrer à l'opinion publique que effectivement ils pouvaient avoir sur ce terrain-là des résultats. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a profondément marqué et qu'il a engagé pour la suite de sa carrière de chef de guerre, si j'ose dire. N'est-il pas allé trop vite? Alors, aller trop vite sur le déclenchement. Oui. Ça se discute. Je rappelle, c'était 6 mois après son arrivée. Oui. Je crois savoir que le processus, mais vous allez nous le dire, entre l'idée d'intervenir et l'intervention est rapide. Enfin, racontez-moi. Alors, dans les premiers mois, la situation qu'on connaissait dans le Nord Mali perdurait et il ne semblait pas y avoir d'urgence. Jean-Yves Le Drian préconisait plutôt une intervention, son ministre de la Défense, et François Hollande était plutôt pour temporiser. Vous avez encore rappelé dans votre sujet que il était allé à l'Assemblée Générale de l'ONU, sa première Assemblée Générale de l'ONU en septembre 2012, qu'il avait essayé de trouver un consensus diplomatique pour faire en sorte que les pays européens et les pays africains se mettent ensemble et mobilisent des troupes pour aller sur le terrain. Simplement, si on avait attendu ce processus, je pense qu'on y serait sans doute encore à l'heure où nous parlons. Et effectivement, il y a eu une petite accélération sur le terrain au mois de décembre 2012, janvier 2013, qui fait que François Hollande a décidé d'agir très vite. Sur la justification, y avait-il une réelle nécessité à intervenir à ce moment-là, aussi vite, aussi fort? Ça se discute parce que ça nous a été présenté comme une colonne de djihadistes, de pick-up fonçant sur Bamako. Je crois que la réalité, elle est un petit peu plus nuancée. Effectivement, il y avait des rassemblements de troupes djihadistes dans le secteur de Koné, dans le secteur de Kona, de Sévaré, etc. Je ne crois pas qu'il y ait eu jamais une colonne de djihadistes qui ait démarré pour prendre l'autoroute, si j'ose dire, direction Bamako. Je crois que ça n'a jamais eu lieu. Ça a sans doute été un petit peu vendu comme ça en termes de communication. Ça a été vendu à l'opinion. C'est vrai que c'était plus facile à vendre, mais ça ne s'est pas passé comme ça. En revanche, il y avait sans doute un réel risque, effectivement, de coalition et de descente de ces troupes vers Bamako, qui était une zone où il y avait évidemment beaucoup de Français, et donc qu'il importait de défendre. Donc, il y a eu une accélération qui correspond peut-être pas à la situation sur le terrain, à la situation militaire, mais qui correspond à une volonté d'agir vite et fort du président Hollande, qui a très vite pris cette décision. Alors, on sait que toute action politique est assortie d'une stratégie de communication aujourd'hui, c'est comme ça. Et en parlant de communication, on découvre, à partir de cette intervention au Mali, un président au vocabulaire parfois proche des néoconservateurs américains, la guerre contre le terrorisme. Il y a un côté peut-être pas croisade, mais mission sacrée, quelque part. Moins d'un mois après le lancement de l'opération Serval, donc au Mali, le 2 février 2013, François Hollande est au Mali, et on va l'écouter justement. Les rues de Bamako en liesse. La capitale malienne, dernière étape du voyage de François Hollande. Le président français est venu symboliquement place de l'indépendance pour rappeler aux Maliens les raisons de l'intervention française. Nous nous battons ici pour que le Mali vive en paix et en démocratie. Mais c'est à Tombouctou que François Hollande a débuté ce matin sa visite. Accueilli à sa descente de l'avion par un cadeau, un jeune chameau offert par la population. Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Mais... Puis, le président français entre dans la ville libérée il y a quelques jours. La population soumise pendant plus de 10 mois à la charia par les islamistes est venue acclamer le président français. Une incroyable ferveur. Tombouctou, patrimoine de l'humanité, saccagé par les islamistes. François Hollande a visité une mosquée, la bibliothèque, où des manuscrits datant de plusieurs siècles ont été détruits. Ce que nous avions fait était pour libérer et pour permettre que aussi des lieux de culte, mais également des éléments de patrimoine, parlions des manuscrits, puissent être de nouveau protégés et sauvegardés. David Ravaud-Dallone, c'est au Mali, si mes souvenirs sont bons, que François Hollande avait dit « c'est le plus beau jour de ma vie politique ». Absolument. Et d'ailleurs, ceci est sans doute relié à ce que nous nous disions précédemment, c'est-à-dire que François Hollande, bon, alors ça ne fait qu'un peu plus de 6 mois qu'il est au pouvoir, il n'a pas encore eu le temps d'obtenir des résultats, même si on verra qu'il en obtiendra finalement assez peu dans son quinquennat. En tout cas, là, il y a un résultat. Il y a une réussite d'abord militaire sur le terrain, et puis il y a un vrai bain de foule avec un vrai succès de popularité à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, la cote des Français à Bamako et au Mali en général est beaucoup plus basse. Mais en tout cas, les Maliens à l'époque savent gré à François Hollande et à l'armée française. Souvenez-vous, il y a des histoires où on prénomme des bébés qui sont nés d'un prénom de François Hollande, voire je crois de Damien Boiteux, qui est le premier militaire des forces spéciales qui a été tué lors de la première intervention, au premier jour de l'intervention. Il y a des pancartes qui remercient papa Le Drian, papa Fabius, etc. Donc il y a une vraie, dans un premier temps, un vrai enthousiasme et une vraie gratitude à l'égard des Français, et gratitude qui va évidemment s'estomper au fur et à mesure que la réalité du terrain va s'imposer à tous. Il y avait quelque chose d'étonnant quand même entre c'est le plus beau jour de ma vie politique et les premiers morts quand même qu'il a dû affronter François Hollande. Alors, c'est pas tout à fait les premiers morts qu'il a dû affronter, parce qu'il y avait déjà eu des morts qu'il avait dû affronter de mémoire, c'était des morts en Afghanistan, mais oui, ce n'était pas des morts dans une opération qu'il avait lui-même déclenchée. Absolument. Et là, c'est la première fois qu'il déclenche une opération et qu'il y a effectivement un mort, le lieutenant Boiteux, et donc il se trouve confronté à la responsabilité d'État, du chef d'État, du chef des armées, qui effectivement, par sa décision politique, eh bien, a hélas occasionné des morts dans les rangs de l'armée. Alors, dans votre ouvrage, vous évoquez les conseils de défense lors de cette opération. Est-ce qu'on peut revenir sur l'ambiance? Alors, le rôle de François Hollande, mais enfin, il n'est pas tout seul, il y a un état-major. L'état-major, il est composé de professionnels. Parfois, ces professionnels manipulent les présidents. C'est ce qui s'est passé avec la baie des cochons aux États-Unis, par exemple. C'est vraiment une pression de l'armée. On dit au président, il faut y aller, c'est important, et on y va, et c'est le fiasco. Comment on trouve l'équilibre? Comment il a trouvé l'équilibre, lui, entre le politique, qui commande quand même, et l'armée, qui, elle, sait qui est, c'est elle la technique. L'armée n'était pas forcément désireuse de se lancer dans ce conflit, l'armée au sens l'état-major. L'état-major, oui. Je crois que le chef d'état-major particulier du président à l'époque, qui était le général Benoît Puga, n'était pas très spécialement allant, était suffisamment politique pour être attentiste et attendre de voir ce que le président lui-même allait décider. C'est véritablement François Hollande qui est le plus allant à la fois dans le déclenchement et puis dans les semaines qui suivent. Dans le fait de pousser l'armée à obtenir des objectifs le plus rapidement possible. Je le disais tout à l'heure, c'est Gao et Tombouctou qu'il faut prendre, non pas à la date que proposent les militaires, mais 15 jours avant. Et donc, il est là à suivre sur le terrain. C'est sa première opération extérieure. D'ailleurs, en termes de communication, c'est intéressant. On nous a vendu un président installé dans le costume de chef des armées, jupitérien, déclenchant la foudre depuis l'Élysée. Bon, ça, c'est la belle histoire. En réalité, il est très stressé, François Hollande, pour avoir eu quelques témoignages sur ces quelques heures, ces quelques nuits. Il suit sur le terrain, sur la carte, les opérations de terrain. Il appelle en permanence son ministre de la Défense pour savoir où ça en est. C'est quelqu'un qui se jette dans la guerre, à corps perdu, mais qui n'est pas forcément extrêmement tranquille non plus dans les premières semaines. Et donc, il veut des résultats et il va les imposer aux militaires qui parfois trouvent que il va un petit peu vite en besogne parce que c'est quand même assez compliqué sur le plan logistique. On a eu jusqu'à 5000 hommes là-bas de mémoire, au plus fort de l'opération Serval, et donc c'est un sacré défi pari logistique que vient d'envoyer les hommes, le matériel, de les faire tourner, surtout dans une région où c'est un petit peu compliqué, où pour parvenir à certaines zones, notamment dans les zones de combat. Est-ce que les rapports ont changé avec ce président-là par rapport au président d'avant, Nicolas Sarkozy? Quelles étaient les relations entre Sarkozy et l'état-major, et François Hollande et l'état-major? Est-ce que vous avez eu des confidences de l'armée de ce niveau-là? J'ai plutôt le sentiment que Sarkozy était un petit peu moins directif sur... laissait peut-être davantage à l'état-major la possibilité de définir des tactiques, des stratégies et peut-être aussi des délais dans l'obtention des objectifs. J'ai l'impression que François Hollande était un petit peu plus interventionniste et poussait un petit peu plus au train les généraux et l'état-major pour qu'ils obtiennent, je le disais, des résultats constatables sur le terrain. Donc l'opération au Mali, c'est en 2013, nous sommes en 2017, 4 ans plus tard. Quelle est la situation dans ce pays africain? La situation n'est pas bonne, mais ça c'était en germe, on le disait dans l'intervention. D'abord parce que l'obtention de la reconquête des villes ne résolvait en rien la question du reste du territoire. Et on a vu que l'armée a mis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, à nettoyer entre guillemets le fameux Adrar des Iforas, ces chaînes montagneuses qui se trouvent au nord-est du Mali et qui a valu des combats assez sanglants avec les djihadistes qui étaient réfugiés. Et puis on voit qu'aujourd'hui finalement l'opération Serval s'est transformée en opération, ce qu'on appelle l'opération Barkhane, ou qui a totalement changé de nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 3000, 4000 hommes sur zone dans 5 pays, Niger, Mali, Libye, enfin, pas la Libye, mais toute la zone sahélienne, où nous faisons, en quelque sorte, les gendarmes, une forme de police anti-djihadiste, grâce, d'abord aux renseignements électromagnétiques, les écoutes, les satellites, et la présence de l'armée sur place qui fait que nous menons une sorte de contre-guérilla, de contre-insurrection anti-djihadiste, où nous repérons 10-15 djihadistes, un convoi, et l'armée française est chargée ensuite de les éliminer, de les appréhender, etc. Donc nous faisons un travail sur un pays qui est, je pense, grand comme 20 fois la France. Nous cherchons une aiguille dans une botte de foin, et à l'évidence, tous les militaires, tous les conseillers que j'avais pu interroger à l'époque nous disaient que la version selon laquelle la France allait rapidement pouvoir quitter le terrain après l'avoir nettoyé, en réalité, c'est une fable, c'est un mythe. Bien sûr. Et tous ceux que j'ai interrogés à l'époque me disaient, la France est là au moins pour 25 ans. Bien sûr, je dis bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'un grand pays s'est lancé dans un théâtre d'opération extérieure, il est souvent resté plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé, parce que les éléments sont complexes. Vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus à quelle question vous répondiez précisément, mais peu importe, vous avez dit que l'intervention au Mali est la matrice des guerres de François Hollande. Oui, parce que je pense qu'il a compris comment s'opérait une mécanique politico-militaire, et qu'il l'a ensuite réitéré à de nombreuses reprises. Il a d'abord voulu punir Bachar el-Assad pour le bombardement à l'arme chimique de la Ghouta, puis il est intervenu en Centrafrique, puis en Irak, puis finalement en Syrie contre l'État islamique. Oui. Ça fait quand même pas mal d'opérations extérieures. Si on rajoute à ça tout ce qui est contre-terrorisme, opération Sentinelle avec la présence des militaires sur le territoire, ça fait effectivement beaucoup. Et je rappelle, pour revenir à votre question précédente, finalement, que il y a les succès sur le terrain, mais il y a aussi l'aspect politique. Et je crois que faute de vrai développement politique à la suite de l'opération, on est un petit peu reparti comme avant dans le système politique malien, avec ce qui avait fait aussi les causes de l'échec, le coup d'État, la déliquescence de l'État. On appelait ça un État failli, et que finalement rien n'a été réglé. D'abord sur la puissance politique de l'État malien, et deux, sur la question du Nord, avec la question des indépendantistes Touareg, etc., qui fait que finalement, la France est aujourd'hui très mal perçue par la population malienne, à la fois comme, je pense, soutenant un régime qui n'est pas forcément très démocratique ou du moins très efficace, et puis de l'autre côté, une France qui est accusée de protéger les indépendantistes du Nord. Donc voilà, je pense que nous cumulons aujourd'hui tous les handicaps aux yeux de la population malienne. Alors, il y a une constante chez François Hollande, c'est d'engager la France seule. Si j'ose dire, la France qui fait le travail toute seule, que ce soit au Mali ou en Syrie. Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2015, François Hollande décide donc de frapper l'État islamique sur le sol syrien. Alors on va l'écouter sur ce point. La France a frappé ce matin en Syrie, a frappé un camp d'entraînement de ce groupe terroriste Daesh et qui menaçait la sécurité de notre pays. La frappe s'est produite sur le camp dans une localité proche de Deir ez-Zor, à l'est de la Syrie. Nos forces ont atteint leurs objectifs. Le camp a été en totalité détruit. 6 avions ont été utilisés, dont 5 rafales. Et ils ont pu être sûrs que la population civile n'avait pas eu de conséquences. D'autres frappes pourront avoir lieu dans les prochaines semaines, si nécessaire, avec toujours le même objectif, identifier les cibles qui correspondent à des camps d'entraînement ou à des lieux où nous savons que le groupe terroriste Daesh peut menacer la sécurité de notre pays ou mener des actions terroristes. Voilà, nous allons frapper, d'autres frappes auront lieu. Ben voilà, c'est le président qui fait la guerre. Alors, il y a la poursuite du processus qu'on évoquait, entamé au Mali. Il s'est aperçu qu'il pouvait lancer des avions, envoyer des hommes, etc. Et il le fait, il ne s'en prive pas. Deuxième chose, c'est que la Constitution française permet au président d'agir assez librement, sans en avoir trop à référer au Parlement, par exemple, du moins avant un certain temps. C'est la différence avec les États-Unis et le Royaume-Uni. On se souvient de l'épisode... la volonté de frapper le régime de Bachar el-Assad, Obama le Premier ministre britannique de l'époque n'avait pas pu obtenir la validation par le Parlement. Donc ça, c'est une donnée constitutionnelle. Et puis sur le factuel, les éléments d'actualité, qu'est-ce qui explique qu'il ait décidé de frapper? C'est qu'il s'était aperçu que depuis ces endroits-là, on préparait des attentats sur le territoire français. Alors, c'est dans le sujet, sans être dans le sujet, mais 30 secondes pour ça. Le président actuel, Emmanuel Macron, a un côté interventionniste militaire, lui aussi. Ça se passera comme ça avec lui? On ne le sait pas encore. Ça, je vous pose la question au futur. Bien sûr, mais ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron, qui tient à se distinguer en tout de François Hollande, et bien sur ce terrain-là, n'aura peut-être pas cette possibilité. En tout cas, il est le premier président à arriver dans une situation où son pays, la France, est confronté à une menace terroriste de très grande ampleur, ce qui n'était pas le cas de ses deux prédécesseurs, Sarkozy et Hollande. Merci David Ravaud-Dallon, et je rappelle le titre de votre livre, Les guerres de président, c'est au seuil. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la prise de Tombouctou par les djihadistes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires sensibles. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique. Aujourd'hui, demain, nous évoquerons le film Les désaccès.